La guerre du Golfe, c'est le sujet d'Histoire vivante cette semaine. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la première l'émission Histoire vivante. 16 années plus tard, et à l'heure d'été, nous vous invitons à vous replonger pour certains et à les découvrir pour d'autres ce que furent ces premières heures. Se porteront donc sur Genève ce matin. La guerre ou la paix, c'est aussi simple, c'est aussi grave que cela. Nous n'avons aucun grief ni ressentiment à l'égard du peuple irakien. Notre problème, c'est son gouvernement. Tôt ce matin, l'exode a repris. Histoire vivante, cette semaine, les dessous de la guerre du Golfe. La guerre est à nouveau entrée dans la vie des Irakiens. Je pense qu'on ne peut plus pratiquement rien faire. Je crois qu'on a sous-estimé d'ailleurs la détermination depuis le début de Saddam Hussein. De la crise de Suez à la tempête du désert. 2 hours ago, Allied Air Forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait. Les sirènes viennent de retentir dans tout Israël. Avec les Marines, on a pris le Koweït en 24 heures. L'armée de terre a traversé le sud de l'Irak et l'a pris aussi en 24 heures. Aujourd'hui, le conflit Iran-Irak. 1979 a marqué deux changements de gouvernement majeurs dans la région du Golfe. Le premier a eu lieu en Iran, nous l'avons évoqué hier. Le second, quasi simultanément, a lieu en Irak. Plutôt que de changement de régime, il s'agit là plutôt d'un recentrage des pouvoirs autour d'un nouvel arrivant, un certain Saddam Hussein. Chapitre 1, curriculum vitae ou, c'est curieux, les dictateurs portent souvent la moustache. Né à Takrit, musulman sunnite, rejoint le Baas, parti national arabe et socialiste en 57, prend part au complot contre Général Qassem, exil en Syrie puis en Égypte, retour en 63, emprisonné de 64 à 66. Après coup d'État, en 68, devient vice-président du Conseil de commandement de la Révolution. Élimine tous ses rivaux politiques et prend contrôle de l'appareil politique et militaire. Le parti Baas contrôle désormais l'armée. En 1979, devient chef de l'État, secrétaire général du Baas, président du Conseil de commandement de la Révolution. Fait immédiatement déporter 30 000 chiites et expulse l'imam iranien Khomeini. Enfin, entame première coopération avec Turquie pour nettoyer le problème kurde. Nota bene, se rapproche des pays arabes modérés et de certains pays occidentaux, dont France. Chapitre 2. Avant une guerre, ça se détériore d'abord aux frontières. Juillet 80 a vu la mort du Shah d'Iran exilé loin de son pays depuis le renversement de régime de l'année passée. D'ailleurs, les bouleversements remarqués du côté de l'Iran ne laissent pas indifférent le régime irakien et les médias occidentaux observent ce lent processus de dégradation. Mais pour l'instant, il s'agit principalement d'une affaire entre la Syrie et l'Irak. Le 3 août 1980, au journal du soir de la radio suisse romande, Hichem Mansour évoque la situation. Après avoir imposé le 1er juillet dernier à tous les citoyens des pays arabes, à l'exception de ceux de Jordanie et de l'Irak, le visa, la Syrie menace aujourd'hui de fermer ses frontières avec ces deux pays, et surtout avec l'Irak, qu'elle accuse d'ingérence dans ses affaires intérieures. En fait, ce que reproche Damas aux autorités de Bagdad, c'est surtout leur soutien moral et matériel aux frères musulmans en vue de déstabiliser le régime et d'affaiblir le pays. D'après les personnalités syriennes, l'Irak abrite plusieurs opposants syriens qu'il arme, entraîne et fait pénétrer en territoire syrien en vue de commettre des attentats. De son côté, l'Irak n'apprécie pas le resserrement des liens entre Moscou et Damas et surtout le projet de signature entre les deux pays d'un traité de coopération et d'amitié. Un tel traité pour Bagdad peut remettre en question l'équilibre dans la région. Il y a à peine un an, on parlait de fusion entre les deux pays, mais aujourd'hui, c'est le début d'un conflit de plus dans la région. Côté occidental, on ne prête encore que peu d'attention aux tensions importantes qui agitent une partie de la population irakienne. 50 à 60% d'entre elles sont des musulmans chiites proches du gouvernement iranien. Et ce sont dans des villes saintes chiites comme Kerbala et Najaf que des manifestations ne cessent de se multiplier. Le pouvoir irakien y répond avec la férocité que facilite le port des armes. Les mosquées sont placées sous étroit contrôle, mais très vite, la montée en puissance de la tension devient évidente et vers la fin septembre, Depuis ce matin donc, la région du Chatt el-Arab n'est plus qu'un vaste champ de bataille. Véritable pomme de discorde entre l'Irak et l'Iran, cette région d'une importance capitale pour chacun des deux pays, cette région donc est le théâtre de très très violents combats. Des chars, de l'artillerie lourde, des avions, des navires, les armées irakiennes et iraniennes ont tout mis en œuvre décidément pour asseoir définitivement leur souveraineté sur le Chatt el-Arab. Pour essayer d'en savoir un peu plus, au téléphone de Téhéran, notre correspondant Joseph Blondeau. C'est à l'embouchure des fleuves Chatt el-Arab que les affrontements frontaliers entre l'Iran et l'Irak ont été aujourd'hui les plus violents. Tout au long des 75 km où ce fleuve sert de frontière entre les deux pays, des duels d'artillerie, des tirs de missiles ont été signalés. Sur la rive iranienne, les deux objectifs les plus visés semblent être le port de Khorramshahr et la raffinerie d'Abadan. Téhéran affirme avoir coulé un navire irakien, tandis qu'à Bagdad, on déclare que ce sont 5 vedettes iraniennes qui ont été envoyées par le fond. Ce qui semble le plus inquiéter sont les jeunes gens qui sont concernés par la décision du président Bani Sadr de rappeler certains réservistes sous les drapeaux. Les autres jeunes hommes aussi sont préoccupés, car ils pensent que leur tour viendra prochainement. Nul ici ne s'attend en effet que les deux pays puissent soudain se décider à régler leurs différends autrement que par les armes. Oui, cela dit, il convient maintenant de replacer ce conflit dans son contexte historique, car c'est là un conflit qui ne date pas d'hier. Alors, Sylvie Cohen, quelques explications s'imposent, je crois. En fait, le traité d'Alger, qui date de 1975 et qu'a dénoncé mercredi dernier le président irakien Saddam Hussein, avait lui-même mis fin à un premier conflit entre les deux pays. Un conflit qui tournait essentiellement autour de revendications territoriales et au cours duquel le Shah, alors au pouvoir, s'était non seulement emparé de 3 petites îles situées dans le détroit d'Hormuz, mais avait aussi apporté un appui massif à la rébellion des Kurdes d'Irak. C'est donc en vertu de cet accord d'Alger que les Iraniens devaient cesser leur aide aux Kurdes irakiens et que l'on délimitait les frontières entre les deux pays, la frontière fluviale surtout, en réglant la navigation sur les eaux du Chatt el-Arab où s'unissent le Tibre et l'Euphrate pour se jeter dans le Golfe. Or, sur la rive est du fleuve, jusqu'ici contrôlé par les Iraniens, se trouve l'énorme complexe pétrolier d'Abadan et le port commercial de Khorramshahr. C'est donc à l'un des poumons économiques de l'Iran que l'Irak vient de s'attaquer en dénonçant ses accords d'Alger et en rétablissant ce qu'il appelle la souveraineté arabe sur la totalité du fleuve. Ajoutez à cela la dimension religieuse évoquée plus haut, ainsi que la toute-puissance militaire irakienne reconnue, que Saddam Hussein, qui n'est que depuis un an au pouvoir, aurait intérêt à tester afin de montrer aux voisins qu'elle pourrait bien être le futur maître de la région. Il y a là un certain nombre d'ingrédients, mais nul encore ne sait que les belligérants entament un conflit qui va durer 8 ans. Kazem et Saher, tout le monde nous rabattait les oreilles jusqu'à nous les échauffer. 1m73, il a cette pâleur ascétique qui sied si bien à son look de romantique. Il chante « Dahketak », ton sourire. هذا الحلو بصنبان عودة ومرد خدودة بصنبان عودة Septembre 1980, l'Irak de Saddam Hussein attaque l'Iran de l'imam Khomeini. Le dictateur irakien accuse son voisin de diverses provocations, y compris un attentat contre son ministre des Affaires étrangères, le chrétien Tariq Aziz. Il revendique aussi quelques îles dans le golfe Persique et veut porter secours aux minorités arabophones de la province irakienne du Khuzestan. Une approche somme toute classique des pouvoirs narcissiques, qu'ils soient brutaux ou non, un mélange de propagande et de provocation. Chacun connaît l'adage d'Adolf Hitler, plus le mensonge est gros, plus il passe. Plus sérieusement, Saddam Hussein veut profiter des luttes entre factions iraniennes pour abattre le régime de Khomeini. Il craint une contagion de l'intégrisme chez les musulmans chiites de son pays. Très vite, grâce à une puissance militaire plus forte, l'Irak fait la preuve, sur le terrain, d'une incontestable supériorité. Alerte aérienne jeudi soir à Téhéran. Sirène stridente à la radio et à la télévision. Blackout total dans la ville. Tir de DCA dans le ciel. Les Téhéranais ont vraiment cru à une attaque aérienne sur la capitale. Mais une demi-heure plus tard, un communiqué militaire faisait état d'un exercice d'entraînement dans des conditions dites réelles. Plusieurs centaines de personnes ont néanmoins appelé la radio-télévision pour demander des nouvelles de l'imam Khomeini. Et la radio a été obligée de diffuser un communiqué assurant à la population que tout allait bien. La situation dans les régions de l'Ouest semble par contre beaucoup plus critique. Les affrontements les plus violents semblent se dérouler dans la province pétrolifère du Khuzestan, au sud-ouest de l'Iran. On signale de nombreux bombardements irakiens sur des villes telles que Khorramshahr, Avaz et Masjed Soleiman. Rien que dans ces trois villes, on donne un bilan officiel pour la journée de jeudi de 89 morts et 291 blessés. Les villes frontalières d'Abadan et de Khorramshahr auraient également été bombardées. À Abadan, on signale que la raffinerie géante a été endommagée, une soixantaine de personnes auraient été tués lors du bombardement d'un hôpital et plusieurs écoliers seraient morts dans les décombres de leur école. Oui, Saddam Hussein espère ainsi en finir avec la révolution islamique, régler la question kurde en suspens depuis la signature du traité d'Alger en 1975 et qui sait, mettre la main sur les territoires où sommeillent d'importantes réserves énergétiques. Le pétrole, l'or noir, va être au cœur de la crise. Petit entracte avec Sun Tzu, extrait de l'art de la guerre. La guerre est d'une importance vitale pour l'État. C'est le domaine de la vie et de la mort. La conservation ou la perte de l'Empire en dépendent. Il est impérieux de le bien régler. Ne pas faire de sérieuses réflexions sur ce qui le concerne, c'est faire preuve d'une coupable indifférence pour la conservation ou pour la perte de ce qu'on a de plus cher, et c'est ce qu'on ne doit pas trouver parmi nous. Cinq choses principales doivent faire l'objet de nos continuelles méditations et de tous nos soins. La doctrine, le temps, l'espace, le commandement, la discipline. Fin de l'entracte. Retour à l'or noir. Nous avons décidément affaire à un conflit qui déroute peut-être certains experts militaires. Sans doute, aucun des belligérants n'est-il à l'abri d'une escalade brutale et imprévue. Mais jusque-là, on en reste au coup par coup à un prêté pour un vendu. Tu me frappes, je riposte, mais sans mettre tout le paquet. Les explications n'en sont pour le moment qu'aux hypothèses de travail. Mais une constatation émerge. Côté iranien, le complexe d'Abadan, cœur et poumon de l'industrie pétrolière, est paralysé de l'aveu même des Iraniens qui n'exportent plus. Côté Irak, le centre pétrochimique de Masra Rumaila ne produit plus et trois autres raffineries sont endommagées. La production de pétrole de l'Irak est en conséquence assez sérieusement réduite. Cela n'a pas beaucoup d'importance dans l'immédiat pour le marché mondial, mais cela va tout de même faire un manque à gagner pour Bagdad comme pour Téhéran. Mais surtout, c'est la consommation intérieure de pétrole qui risque de devoir être réduite. Or, tout ici, électricité, eau, transport, donc nourriture, industrie, chantier, toute l'activité, y compris militaire, dépend du pétrole. On verrait donc se profiler le moment où deux pays, gros producteurs de pétrole, seraient gagnés par la paralysie parce qu'ils se seraient mutuellement détruits leur raffinerie. Mais ce match nul, dans tous les sens du terme que l'on pourrait envisager, ne satisfait guère côté Occident. En effet, l'agression de Saddam Hussein envers l'Iran est clairement soutenue par les États-Unis et l'Europe. D'abord parce que les armes, il ne suffit pas de les fabriquer, il faut aussi les vendre, et aussi par crainte de l'islamisme. Le soutien est également là du côté de l'URSS, qui fait face à une rébellion islamiste en Afghanistan, ainsi que par les monarchies arabes du Golfe, qui voient les Iraniens ou Persans comme des ennemis traditionnels. Il n'y a pas à dire, quand on se sent encouragé, c'est toujours plus commode. Quels sont les alliés objectifs des Iraniens ? L'ensemble de la diaspora chiite éparpillée dans les pays musulmans, mais non influente partout. Et Israël. Israël, ennemi des Arabes, qui apporte son aide en sous-main. Mais l'Iran doit davantage compter sur elle-même, son principal atout, une supériorité aérienne. 4 jours après le début de la guerre, les villes sont déjà prises pour cible, témoigne Jérôme Blondeau. À Téhéran même, la population s'habitue lentement aux exigences de la défense civile. Les fenêtres sont calfeutrées pour le blackout et les voitures circulent la nuit sans phare. Quant à la circulation, qui a toujours été un véritable cauchemar à Téhéran, elle s'est considérablement réduite du fait de l'interdiction de la vente d'essence aux voitures particulières. Cette diminution certaine de la pollution ne profitera en tout cas pas aux écoliers qui trouvent la mort dans les écoles bombardées. Côté iranien, si à l'évidence les cibles recherchées sont les sites industriels, il n'empêche que l'inquiétude gagne, signale Claude Guignard. La tournure que prend le conflit, la répétition des raids aériens de l'aviation iranienne commence à pousser les étrangers à quitter l'Irak. Le bruit court ici que les Suisses, les Français et même les Soviétiques envisagent d'organiser des convois par route, soit vers Koweït, soit vers la Jordanie, soit encore vers le nord, pour évacuer les civils. Et comme d'habitude, la guerre est prévue pour se régler en 10 jours. En allemand, ça se dit Blitzkrieg. Sauf qu'en réveillant le nationalisme persan face à l'ennemi arabe, la guerre ressoute très vite les Iraniens autour du gouvernement de Khomeini. Une semaine après le début du conflit, la précision des tirs iraniens, ajoutée au peu de pertes qu'ils ont à déplorer, rétablit l'équilibre. Même sur Terre, les Irakiens avaient sous-estimé les forces iraniennes qui, tout en cédant du terrain, ont utilisé leur aviation comme des acupuncteurs, plantant leurs banderilles dans les centres névralgiques irakiens. Avec peu de moyens et peu de pertes, les Iraniens ont déjà fait très mal à l'Irak. Si le cessez-le-feu s'installait maintenant, il serait favorable à l'Irak, qui aurait l'avantage d'occuper une frange de l'Iran. C'est bien pourquoi le président irakien Saddam Hussein, à défaut de la victoire espérée, propose de négocier. Et c'est bien pourquoi l'Iran refuse. Ce qui aurait dû être une guerre éclair, dans l'esprit des Irakiens en tout cas, est en train de tourner à la guerre d'usure. C'est tout le jeu des alliances dans la région qui pourrait changer comme un kaléidoscope. C'est qu'à Téhéran, on commence à faire des calculs. La nécessité de faire face à l'attaque irakienne remobilise une population désillusionnée et remet sur pied une armée troublée. Le Premier ministre monte au créneau pour galvaniser la population. Préparez-vous à une guerre longue. Ce n'est pas parce que l'Irak est forte, c'est parce que nous combattons les États-Unis. Les dirigeants iraniens appellent la population à la résistance totale, au nom de la défense de l'islam contre les infidèles. Pour mener cette croisade, M. Rajaï a demandé à ses concitoyens de s'endurcir, en leur ordonnant de manger moins, de marcher beaucoup et de s'entraîner à dormir sur le sol. L'Ayatollah Khomeini est entré dans la bataille. Nous sommes prêts à affirmer celui qu'on appelle le guide de la révolution, à nous battre jusqu'au dernier soldat. Et si l'armée est dépassée, si l'ennemi entre dans nos villes, il devra trouver le peuple, les armes à la main. Oui, mais en même temps, la priorité donnée à la résistance nationale justifie les atteintes aux libertés et le gel des transformations de structures. Elle sert en fait de prétexte aux clergés réactionnaires pour mettre la main sur les leviers du pays. Les libéraux, puis le président Bannissadre sont écartés. Nous sommes en juin 1981. La répression s'élargit et touche cette fois les moudjahidines et les fédaïnes avant de s'en prendre aux communistes. Les grandes réformes promises s'enlisent dans les commissions parlementaires. Dès lors, Khomeini décide de poursuivre le combat. Il va rejeter les propositions de cesser le feu de l'Irak et les innombrables médiations, ONU, non alignées, conférences islamiques, Algérie, Arabie Saoudite, etc. Téhéran non seulement repousse l'agression, mais à partir de 1982, porte la guerre en territoire irakien. Il était midi hier à Basra, au sud de l'Irak. J'étais dans un hôtel tout au bord du Châtel Arabe. Brusquement, une déflagration suivie d'une seconde. Dans le grand hall, très style empire colonial britannique, c'est une panique générale. Civils et soldats courent en tous sens. Des femmes hurlent dans le fracas des vitres qui tombent en morceaux. Singulier détail, l'attaque des deux fantômes coïncidait avec la diffusion par la télévision irakienne du discours du président Saddam Hussein se déclarant disposé à négocier. Si c'est bien là la réponse de Téhéran, elle se base de tout commentaire. Dans la première moitié de ces années 80, les deux blocs sont encore dans un face-à-face des plus tendus. Le 23 mars 1984, dans une déclaration publique, l'ancien comédien Ronald Reagan fait d'un coup monter la tension, comme dans le pire des westerns. Il propose une initiative de la défense stratégique qui va prendre le nom de « Guerre des étoiles ». L'URSS réplique en installant en République fédérale allemande 11 missiles SS-20. Les États-Unis en rajoutent une couche en installant des Pershing en Grande-Bretagne. En Europe, en Allemagne notamment, de vastes mouvements pacifistes se lèvent. Cependant, les pays européens, tels la France, soutiennent l'arrivée des Pershing en Grande-Bretagne. En cette première moitié des années 80, la notion d'équilibre des forces connaît l'un de ses paroxysmes. Notre analyse et notre conviction, celle de la France, sont que l'arme nucléaire, instrument de cette dissuasion, qu'on le souhaite ou qu'on le déplore, demeure la garantie de la paix dès lors qu'il existe l'équilibre des forces. Mais le maintien de cet équilibre implique, à mes yeux, que des régions entières d'Europe occidentale ne soient pas dépourvues de parades face à des armes nucléaires spécifiquement dirigées contre elles. En 1984, le président français ignore que dans quelques mois, le soutien qu'il a apporté au président Saddam Hussein va plonger son pays dans une vague d'attentats auxquels seront associés les services secrets iraniens. Attentats de la rue Copernic, du magasin Tati, de la rue des Rosiers. 1984, la guerre Iran-Irak en est à la moitié de sa durée. Le nombre de morts commence à devenir vertigineux. Les économies des deux pays sombrent dans le chaos, tandis que dans le même temps, les deux dictatures se durcissent à l'intérieur même. On va à présent franchir une nouvelle étape avec un type d'armement nouveau. Chapitre 3. Revue de presse effarante. 1977, un rapport du gouvernement d'Israël signale avoir éventé un complot d'Arabes israéliens qui s'apprêtaient à empoisonner l'eau de Galilée avec une poudre non identifiée. 1980, plusieurs ambassades d'Europe reçoivent des menaces terroristes relatives à l'utilisation contre elles de l'agent Moutarde. 1986, des séparatistes tamouls menacent d'empoisonner la récolte de thé au Sri Lanka. 1986 toujours, deux bouteilles de vin d'Afrique du Sud auraient été empoisonnées à Vancouver ou Victoria par le groupe terroriste Action Directe. En septembre, les vins sud-africains sont tous retirés du marché. Si de la plupart de ces informations ne découle pas immanquablement un ravage total de l'un des deux hémisphères, à l'évidence, cette accumulation d'informations crée un climat propice. Concernant la guerre Iran-Irak, on parle de plus en plus fréquemment d'utilisation de l'arme chimique côté irakien, mais une dépêche tombe sur les Telex annonçant qu'une explosion aurait eu lieu dans une usine chimique en Iran. Au téléphone, le chargé d'affaires de l'ambassade d'Iran à Paris, on appréciera la langue de bois plus qu'imprécise du chargé d'affaires. Vous accusez l'Irak de produire des armes chimiques et de s'en servir sur le front. Et tout récemment, l'un des dirigeants iraniens a indiqué que l'Iran pourrait également employer des armes chimiques sur le front. Alors, première question, est-ce que vous fabriquez des armes chimiques? Et deuxième question, est-ce que vous êtes prêt à les employer? Bon, les déclarations de M. Rafsanjani à propos de l'utilisation éventuelle des armes chimiques, dans le cas où l'Irak ne cesse pas ses activités et, la communauté internationale n'empêche pas l'Irak de s'en servir une telle arme, nous fera penser de revoir notre façon de réagir. Donc, vous êtes donc prêt en représailles à violer l'une des lois de la guerre et lorsque l'Irak la viole, vous poussez de hauts cris, c'est bien ça? Non, nous ne sommes pas prêts de le violer puisque nous voulions et nous voulons toujours le respecter par le principe. Mais si, l'Irak continue à utiliser ses armes chimiques, nous serons obligés de prévoir un système pour nous défendre, si je peux l'exprimer ainsi. Si côté Iran, on tourne un peu autour du pot, côté iranien, on fait dans la métaphore obscène. Le général Maher, qui est le commandant du 3e corps d'armée, c'est-à-dire l'un des plus importants, puisque c'est celui qui défend Bassora, tout le sud, n'est-ce pas donc, de l'Irak, nous a carrément dit, écoutez, non, je ne m'en sers pas, parce que je n'en ai pas, mais puisque je défends le sol national, j'aurai éventuellement le droit de m'en servir. Et d'ailleurs, comme les Iraniens ne sont que des insectes nuisibles, il ne faudrait pas parler de gaz, mais d'insecticides. Un conflit qui s'éternise dans une absurdité sanglante, les deux rivaux se combattant de part et d'autre des frontières reconnues par les traités internationaux. Deux armées radicalement différentes qui s'opposent entre une surentraînée par des officiers ayant tous fait l'école de guerre et l'autre composée de hordes d'adolescents et d'enfants se lançant à l'assaut sans aucune préparation ou quasi très peu d'armement. Cette guerre des tranchées procédera souvent comme suit. Une première vague d'enfants munis d'armes légères se rue sur l'ennemi, se fait tirer dessus. Une seconde vague surgit derrière, ramassant les armes des précédents, avant de se faire éliminer à son tour. La guerre durera finalement 8 ans, faisant 1 200 000 morts. Un bilan sans commune mesure avec tout autre conflit du Moyen-Orient, y compris le conflit israélo-palestinien. La plupart des pays occidentaux auront fourni le matériel nécessaire à cette boucherie. Cela se traduira par deux scandales politiques. La vente des avions super-étendards par la France à l'Irak et surtout l'Iron Gate, livraison illicite d'armes à l'Iran, frappée par l'embargo, livraison effectuée par les Américains. Ces deux scandales ne feront fort heureusement aucune victime. Saddam Hussein aura pu jusqu'au bout compter sur ses puissants alliés occidentaux. Le registre va changer avec le prochain conflit dans lequel va s'engager l'Irak, avec l'invasion du Koweït. À demain. Navoyi مرنجان دلم را که این مرغ وحشی مرنجان دلم را که این مرغ وحشی زبانی که برخواست و مشکل نشیند زبانی که برخواست و مشکل نشیند نبایی نبایی نبایی نبایی نبایی نبایی نبایی نبایی نبایی نبایی Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV et les archives de la RTS. Avec aujourd'hui la participation de Jérôme Nussbaum, Corinne Rochat, Valérie Dantan, Daniel Zacker.